Restore, reinstall, restore, restore. Yes, we like it like that. Come like a band. When we kiss. About to burst, about to blow. J'ai perdu tout le monde. Je faisais n'importe nawak. Je te dis, depuis le début avec cet outil, c'est texturé, très texturé, trop texturé. Mais super intéressant. En jam, super intéressant. Possibilité. À la langue bien tendue. Mes frères humains qui avec moi vivaient, n'ayez contre moi de cœur trop endurci. Frères humains, mêlons. Car si de nous pauvres avons pitié, aura de vous à la langue bien proche. Vous pourriez t'attendre de moi, de novembre, comme des bandits à la langue. Comme les vilains, comme des bandits pâles, les spectacles, le décor, ont encore des corps, servent encore aujourd'hui à choquer l'ennemi, pour choquer. Mais après l'orage, après le déluge. J'aimais bien tout à l'heure quand tu chantais aussi. J'aimais bien tout à l'heure quand tu chantais aussi. Ouais, mais j'ai un petit coup de mou là. J'aimais bien tout à l'heure quand tu chantais aussi. J'aimais bien tout à l'heure aussi. Quand tu chantais aussi, Sally Rocky, you know what you. Quand tu chantais aussi bien que moi, aussi bien que moi. Bien tout à l'heure. Quand tu chantais, aussi. J'aime bien. J'aimais bien tout à l'heure. Tout à l'heure, quand. Quand tu chantais. À gogo. Yeah. C'est pour les agenda. Café de l'or. Dish. Attention en low. Même lit. Même lit. Va la chacun je la plaisir écrit. Et je sais sur ma planète la haine je la jette. Je la transformé en un instant assez bref, accélération du temps, relativité, sérénité, time and space. Dans la bergerie, le loup. Le loup dans la bergerie. Dans la bergerie. Depuis longtemps, le loup assume. Je m'en montrer patte blanche. Bergerie. Le loup. Depuis si longtemps. Oh, you fruity, you loup. Le loup hurlait depuis longtemps sous la lune. Seulement de levain. Soulevant un nombre de problèmes irrésolus pour la société. Finalement, finalement, finalement, le loup expulsé. Le loup. Puis de loup, puis de inhalement. Sous le vent. Finalement. Sous le vent. Plus de loup. Plus de problème. Plus de loup, plus de problème. Boucler le loup. Boucler le loup. Un certain nombre de problèmes. Boucler le loup. Caché sous le tapis. Depuis un certain temps. C'est nous, le loup. C'est moi. Quand tu poses trop de questions, quand tu remets la démocratie. Thank you. Thank you. for you, for me, for all the family. Yeah. We'll be right back. down the before. Thank you. I assume that it's... Comme ça. Allez, à la vôtre. Yeah. 7h du matin en Nouvelle-Calédonie.